où l'on fait revivre le souvenir de 1789. Aux portes de Paris, la guerre continue. Après l'échec sanglant de la sortie militaire de Buzenval, le 19 janvier, la situation de Paris est désespérée. Le 22 janvier, de grandes manifestations éclatent. Elles sont rapidement réprimées. Le général Vinoy, gouverneur militaire de Paris, ferme les clubs révolutionnaires et interdit 17 journaux hostiles au gouvernement et fait arrêter les chefs républicains comme Charles de Lécluse. La colère monte chez les ouvriers. Le gouvernement en place, sa majorité royaliste, signe un armistice le 28 janvier 1871. Les habitants de la capitale se sentent trahis et humiliés. Le 8 février ont lieu des élections de l'Assemblée constituante favorable aux royalistes. Adolphe Thiers est désigné comme chef du pouvoir exécutif. Sous la poussée populaire qui commence à s'organiser, la Troisième République est proclamée le 4 septembre. Mais une république bourgeoise, préoccupée par ses intérêts propres. Une guerre perdue, une humiliation qui ne passe pas, une situation économique désastreuse, on crève de faim, on meurt jeune. La situation est explosive. Le peuple s'arme, s'organise et récupère les fusils et les canons qui finalement ont peu servi à défendre Paris contre les Allemands. Adolphe Thiers veut désarmer les Parisiens et retirer aux révolutionnaires leurs armes et leurs canons. Sur la butte Montmartre, hommes, femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage et protéger le butin militaire que l'on juge utile à défendre la cause du peuple. La troupe arrive et leur fait face. Les instances sont difficiles. Les officiers ordonnent de faire feu, mais les soldats de la garde nationale refusent et se rangent aux côtés des Parisiens. Des barricades sont montées à la hâte, les nuits sont courtes, mais chacun croit qu'unis et rassemblés, la victoire est certaine. C'est sur cette butte Montmartre, le 18 mars 1871, que débute vraiment la Commune de Paris. Ensemble, écoutons L'Insurgé, chanson écrite par Eugène Potier en hommage à l'insurgé Auguste Blanqui. C'est Mouloudji qui l'interprète. L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades descendra avec les camarades, brillant blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, aux reflets pourprés du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse. Chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus courber les chines sous la vapeur en action. Puisque l'exploiteur à ma rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption. Devant toi, misère sauvage, devant toi. La classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin, tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente, combien de milliards tous les ans. C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans, devant toi, misère sauvage. Salpêtrière, chef du gouvernement provisoire, s'enfuit à Versailles avec tous les corps constitués. Le comité central de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville. Sans l'avoir voulu, les révolutionnaires se retrouvent maîtres de la capitale et de ses 2 millions d'habitants. Ils organisent des élections le 26 mars. L'extrême gauche obtient la majorité et les élus ouvriers, artisans, journalistes, avocats, médecins ou artistes constituent un conseil de 79 membres. Face à cette prise de pouvoir, patrons et bourgeois fuient la capitale. Ce mouvement populaire est appelé Commune en souvenir de la Commune qui a renversé le roi Louis XVI en 1792. Symbole de l'insurrection, le drapeau rouge flotte partout dans Paris. Ce drapeau rouge a été le symbole, l'un des symboles de la Commune de Paris. Écoutons Marc Augeret nous chanter ce célèbre air révolutionnaire, le drapeau rouge. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes et fois. Emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, le voilà, regardez, quand il fait autant il bouge, c'est l'envie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, où je lui sens de l'ouvrier, où je lui sens de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Il flotte encore à la tête des bataillons et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. L'art du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. S'installe à Paris une sorte d'utopie sociale. Les communards réquisitionnent les ateliers de production afin que les ouvriers les gèrent eux-mêmes. Les églises deviennent des clubs de discussion où hommes et femmes peuvent prendre la parole. L'œuvre sociale de la commune, d'ailleurs, n'est pas mince. Elle amorce la séparation de l'église et de l'État, proclame l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, la gratuité de la justice, l'élection des juges et des hauts fonctionnaires et la suppression de toute distinction entre enfants légitimes et naturels. Et voilà qu'à peine remis de leurs épreuves, les Parisiens subissent un deuxième siège, celui de l'armée gouvernementale. Sous le commandement du général Mac Mahon, au mois d'avril, 130 000 militaires se massent aux portes de Paris. Les communards essuient défaite sur défaite. Le 21 mai 1871, les Versaillais entrent dans la capitale et sont en nette supériorité. Quelques dizaines de milliers de fédérés seulement leur font face. C'est le début de la semaine sanglante. En trois jours, la moitié ouest de la capitale est aux mains des forces gouvernementales. L'Est résiste un peu, mais la défaite est inévitable. Paris est à feu et à sang. On tire dans toutes les rues. On meurt sur toutes les places. Plusieurs incendies détruisent le palais des Tuileries. le palais de justice et l'hôtel de ville. Après une ultime bataille le 27 mai 1871 au Père-Lachaise, 147 fédérés sont fusillés sur un mur d'enceinte. La dernière barricade tombe le lendemain. Poème de Jules Jouy qui rend hommage aux 147 fusillés du Père-Lachaise. Écoutons les quatre barbus interpréter le tombeau des fusillés. Ornant largement la muraille, 20 drapeaux rouges assemblés cachent les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture des morts enterrés sans cercueil. Ce gazon que le soleil dore quand m'essor des bois réveillés, ce mur que lit histoire des corps qui saignent encore, c'est le tombeau des fusillés, c'est le tombeau des fusillés. Autour de ce tombeau sans bronze, le prolétaire au nez des lois, des héros de 71 écoutent chanter les exploits. Est-ce la tempête ou la houle montant à l'assaut d'un écueil? C'est la grande voix de la foule consolant les morts sans cercueil. Écoute, bon bourgeois qui tremble, pleurant ceux qu'on croit oublier, le peuple tout entier s'assemble et vient ensemble près du tombeau. Sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient du peuple. La justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils fera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil. Les lions qu'on court se mordent quand ils sont réveillés. Fleurs rouges éclosent dans la mousse, l'avenir pousse sur le tombeau. Ainsi s'achève la Commune de Paris. Elle dura 72 jours, du 18 mars 1871 à la Semaine sanglante au 28 mai de la même année. Son bilan est terrible. On estime qu'entre 3000 et 5000 fédérés sont morts au combat et qu'environ 20 000 ont été massacrés. Fier de sa victoire, Mac Mahon proclame « Paris est délivré, l'ordre, le travail et la sécurité vont renaître ». En août, Adolphe Thiers est élu président de la Troisième République. Écrite encore par Eugène Potier et mise en musique sur l'air de « T'en fais pas Nicolas » en souvenir de la Commune de Paris, c'est une chanson revancharde que Francesca Solville nous interprète. Écoutons « Elle n'est pas morte ». On l'a tuée à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulée avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fierta à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Chers auditeurs, vous avez entendu ces vers, loup de la semaine sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient. Du peuple, la justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils sera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil, les morts du mur des fédérés. Que reste-t-il aujourd'hui de la commune de Paris? Combien, en fredonnant le temps des cerises, s'en souviennent? Combien d'entre nous savent encore ce que cette guerre fratricide nous laisse en héritage? Que nous a-t-elle appris? Je ne sais pas trop quoi vous dire. Pourtant, nous le savons tous, ce souvenir est un combat. J'espère que ce numéro des chansons de l'histoire vous aura donné peut-être envie de vous replonger dans les innombrables livres, récits et bandes dessinées qui sont consacrés à la Commune de Paris. Pour pouvoir réaliser cette émission, j'ai puisé dans le journal Géo l'œuvre de Victor Hugo parue aux éditions Claude Millet et les archives du Sénat. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro des Chansons de l'Histoire. Alors à bientôt. Port-d'Albret FM, une vague d'émotion. Bye. portablefm.fr. Une vague d'émotion. On s'est endormi sans trouver le bout du fil, sans trouver de compromis, dans un sommeil inutile. Et on est reparti, chacun vers une autre ville, chacun vers une autre vie, sous un soleil inutile. Refaisons le tour de ce mystère. Prévoyons un jour de prendre un verre et oublions cet incident. Revenons au bon moment. Voyons-nous de temps en temps si le temps nous permet cet emploi du temps. Oublions cet incident. Il nous faut aller de l'avant. Et à présent regardons toujours devant, même si nous sommes si différents. On a voyagé, mais jamais du même côté. Le cœur à l'arrêt de bus, serré dans les montagnes russes. Je viens vous chercher, sans valise et sans regret. Et ces rendez-vous manqués, il faut les reprogrammer. Veuillez recevoir dès à présent mes plus doux hommages et sentiments. Et oublions cet incident, revenons au bon moment. Voyons-nous de temps en temps si le temps nous permet cet emploi du temps. Oublions cet incident, il nous faut aller de l'avant. Et à présent regardons toujours devant, même si nous sommes si différents. Cet incident, revenons au bon moment. Voyons-nous de temps en temps si le temps nous permet cet emploi du temps. Oublions cet incident, il nous faut aller de l'avant. Et à présent regardons toujours devant, même si nous sommes si différents. Man, you know, like a sex machine, man, yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. The way I like it is the way it is. I'm

today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Portalbray FM. Écoutez, c'est nouveau. Faire tomber le masque, t'es pas obligé. Kamikaze, je change d'étage pour pas me mettre en danger. Ton sourire aiguisé prédit l'orage, canalisé. J'ai rangé ma rage. Il garde shadows fly, let the dark flood in. Your hold has kept my heart in chains. So long I've waited for it to break. Hey. Année par année, sur les années 60 et 70. Revivons ensemble tous ces événements. I have a dream. Tous ces instants si particuliers qui ont marqué ces 20 ans. 20 ans d'insouciance, de rêve, d'imagination, de poudre et de choc. Nous sommes en 1973, c'est le premier épisode. Nous poursuivons notre voyage à travers le temps, au son d'un air de circonstance. Time de Pink Floyd, extrait de l'album Dark Side of the Moon, premier 33 tours du groupe accessible au grand public, c'est-à-dire un simple album commercial comme disent les mauvaises langues. Pink Floyd n'est donc plus seulement un groupe qui fait planer. Nous sommes en 1973. Le président Pompidou est malade. Tout le monde en parle. Il y a des grèves en France. Des sociétés aux noms prestigieux connaissent de grosses difficultés. Péchiné, Lip, Le Bon Marché. 1973, c'est seulement 5 ans après 68. Déjà 5 ans. Le monde devait changer. On attendait l'évolution après la révolution. On espérait des avancées sociales, plus de liberté, un changement des mentalités. Mais comme rien n'a vraiment changé, on craint désormais une contestation perpétuelle. On veut du concret, des résultats. Le bouleversement sera bien là, mais différent de celui qu'on attendait. Ce bouleversement porte un nom, la crise. Une gifle cinglante, un choc énorme, il sera même pétrolier. L'économie malade d'une crise si grave qu'on pense qu'elle sera sans fin. Il faut encaisser, ne pas déprimer, espérer et se changer les idées. Les chansons peuvent parfois avoir ce rôle illusoire. C'est peut-être pour ça qu'en 73, les ventes de 45 tours de variété vont exploser. Les chansons d'amour, les chansons gays, au secours des gens pour faire oublier la crise, pourquoi pas ? Chante, chante, oui chante. Tu peux partir quand tu veux, et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille, ou claquer ton fric au jeu. Chanson joyeuse et optimiste pour vivre de suite l'instant. Profitez du moment, chante Michel Fugain. Car en 73, on ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Alors chante la vie, chante. La crise est là, il va bien falloir faire avec. Michel Fugain, lui, vit une année exceptionnelle avec sa troupe de saltimbanques nommée le Big Bazar. Ses chansons parlent des problèmes de société, du monde, du temps présent, de l'espoir et des gens. Le succès est là, avec « Tout va changer », « Les gentils et les méchants » et « Bravo, Monsieur le Monde ». Bravo, Monsieur le Monde. Chapeau, Monsieur le Monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo pour vos montagnes. C'est beau, c'est formidable. Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo la mer. On n'a jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Économie. Les gentils. Et qui gaspille son argent. Les méchants. Qui c'est qui vend des fusils. Les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant. Les méchants. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Pour qui t'as de l'antipathie, les gentils. Pour qui t'as un gros penchant, les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh, tout va changer ce soir. Selon tout va changer demain. Hier, il ne reste rien. Demain, c'est le grand spectacle qu'on allume des millions de chandelles. Qu'on change de costume, ce soir la vie est belle. Les textes des chansons de Michel Fugain collent aux soucis et aux désirs de la société. Quelques évolutions des mœurs montrent que la France cherche à se libérer des contraintes morales. Les seins nus envahissent les plages et les piscines en plein air. La bataille du nu gagne même les plages bretonnes. Le nu n'est plus considéré comme une provocation, mais comme un art de vivre et un signe de victoire sur les tabous. Les divorcés se rebiffent et veulent plus de droits. Les homosexuels descendent dans la rue. Désormais, on ose. À côté de ces combats loin d'être gagnés, il y a la crise réelle et bien concrète. Les entreprises licencient. Le chômage agite les banlieues où des bandes sèment le trouble. On ne parle pas encore de révolution. Sauf au Palais des Sports de Paris pour le premier opéra rock français, la Révolution française. Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça. Chouons en avant, passe à demi. Jouant en avant, chanté par Jean-François Michael, extrait de la comédie musicale La Révolution française. Mais ce sont vers les États-Unis que tous les regards se tournent. Une crise amorcée en 1972 avait été évitée grâce à la réélection triomphale du président Richard Nixon. On a cru que sa victoire avait étouffé le scandale. En effet, fin 1972, tout semblait oublié. Cette année, le scandale ressurgit, telle une bombe d'une puissance incroyable. Son nom, Watergate. Toute la presse américaine est sur le pied de guerre. Du Washington Post au New York Times, un feuilleton politico-policier sur fond d'espionnage va occuper tous les médias du monde. Le Watergate est le plus grand scandale politique qu'ait jamais connu les États-Unis. Un terrible bras de fer s'engage entre la presse et la Maison Blanche. On ne se fera pas de cadeaux. Nous sommes en 1973. You do what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. What you see and what you hear, when it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no, everybody's talking everywhere you go. You're trying to give an kindness for a weaker span. Never do to others what they do to you. Try to find another way to make it through. What I say is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, it's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what I say is what I know. Stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. Or now or what you see and what you hear, when it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something, you try to give another man a helping hand, you know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weaker stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Right Over, The World Today, The Mess. Un nouveau style rhythm and blues au tempo idéal pour danser entre dans les boîtes de nuit. Sur les pochettes de disques, on peut lire Soul Explosion pour qualifier ce style de musique. Ça promet. Alors, pour oublier la morosité, on danse. Dans les discothèques, c'est aussi le temps de Sherry Van Gelder Smith, Goodbye Guitar Man. Barry Blue Dancing on Saturday Night. Preservation of Education. A Stevie Wonder, Higher Ground. En 1973, les États-Unis sont sur le devant de la scène. D'abord avec une image de gigantisme, le World Trade Center et ses deux tours jumelles de 410 mètres de haut et leurs 110 étages est inauguré. Un événement tout aussi gigantesque qui va ternir l'image de la grandeur américaine. Un événement. Plutôt un scandale gigantesque, l'affaire du Watergate, qui révèle des financements illégaux de la campagne électorale républicaine, fait trembler le pouvoir. Mais Richard Nixon trouve un répit grâce à une grande nouvelle qui tombe le 27 janvier. Les accords de Paris signés entre l'Américain Kissinger et le Vietnamien Le Duc Tho mettent fin à 10 ans de guerre au Vietnam quelques jours après le décès de l'ancien président américain Lyndon Johnson qui avait vu débuter la guerre. Malgré le début du retrait américain, les Vietnamiens du Nord et du Sud continuent à s'affronter. Mais en avril, tous les Jials devront être rentrés au pays. Le prix Nobel de la paix 1973 est décerné aux deux négociateurs. Kissinger l'accepte, Le Duc Tho le rejette, car selon lui, la paix n'a pas réellement été établie. Retour en France à l'écoute des tubes de variété qui nous accompagnent en 73. Et il y en aura. C'est Jérôme chante justement La Petite Fille 73. La Petite Fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres. J'aime bien ça. La Petite Fille 73 a le même visage que dans mes rêves. J'aime bien ça. Bernard Sauva, La Robe Verte. Quand tu viens dîner chez moi, c'est toujours la première fois. Je vais sans arrêt à la fenêtre. J'ai laissé en bas la porte ouverte. J'aime, tu je te dirai, veux-tu vivre avec moi pour toujours? Nous allons si bien ensemble. J'aime quand tu veux rester la nuit. J'aime quand tu te mets dans mon lit. J'aime quand tu me prends toute la place. J'aime, tu te réveilles et tu m'embrasses. J'aime dans un coin ta robe verte. J'aime et j'espère que jamais tu ne changeras. Un jour je te dirai, veux-tu vivre avec moi pour toujours? Nous allons si bien ensemble. Hugo Frey, hasta luego. Hasta luego, a bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a trois mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand. Robert Miras, Jésus est né en Provence. Jésus est né en Provence, entre Avignon et les Saintes-Maries. Jésus est né. Le berger, il m'a dit qu'un olivier avec ses branches lui avait fait comme un tapis. Et puis la brebis blanche qu'il y avait auprès de lui sentait le thym et la lavande des montagnes de mon pays. Peut-être n'est-ce qu'une légende, on blague un peu dans le midi. Michel Delpech, les aveux. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Son épée d'or est en fer blanc. Je n'ai plus la force de tricher un jour de plus avec toi, où je te perdrai, où tu m'aimeras. Mais ce soir, je ferme les yeux, et ce soir, je t'ouvre les yeux. J'ai tout inventé, ma vie, mes idées, pour me faire aimer. Toi, je t'ai raconté n'importe quoi, j'ai toujours été plus. plus gentil que moi. Certains soirs, les roses m'ennuient, et ce soir, les roses m'ennuient. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Son épée d'or est en fer blanc. Je ne parle pas avec les oiseaux, mais je parle avec les hommes, et c'est parfois le chant le plus beau. Mon cœur n'écrit pas un roman photo. Certains soirs le rôle m'ennuie, et ce soir le rôle m'ennuie. J'étais prisonnier, je suis délivré de la prison de coton que j'habitais depuis des années. J'ai tout fabriqué, je me suis trompé, mais je t'aime. Pardonne-moi, si tu m'aimes, alors aime-moi. Il est fatigué, le prince charmant. Et enfin, Hervé Villard, pour toi, ce n'était rien. Ce jour-là n'est jamais sorti de l'ombre. Je courais comme un fou dans le matin. C'était vraiment la fin du monde. Mais pour toi ce n'était rien. J'ai voulu vivre encore l'espoir au ventre. Tout au long de l'année, ces chansons françaises et étrangères vont nous bercer. Qu'on les aime, qu'on les adore, qu'on les déteste ou qu'elles nous exaspèrent. Daniel Guichard, le poulbeau de la banlieue, à l'accent parigot, nous dit « Faut pas pleurer comme ça ». Deuxième tube d'affilée après la tendresse. Daniel devient célèbre en nous chantant simplement que pleurer, ça sert à rien. Faut pas pleurer comme ça demain, ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux, et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Tu sais, ça sert à rien. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. Faut pas pleurer comme ça. Pleurer pour qui, pourquoi? Pour quelques souvenirs, pour quelques mots d'amour jetés dans une cour et qui s'en vont mourir. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que tes larmes on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. Faut pas pleurer comme ça. Demain ce sera toi qui saura nous parler. Quand tu viendras nous voir, tu pourras nous faire croire que tout peut s'oublier. Mais pour l'instant, tais-toi, pour parler on est là, et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. sert à rien. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. En 1973, on va aimer les gestes symboliques. 200 ans après le massacre des Sioux par les Yankees américains à Wounded Knee, la ville emblématique est occupée cette année par plus de 300 Sioux accompagnés de sympathisants qui protestent pour garder leurs droits et leurs terres. 2000 agents du FBI et des blindés sur place font le siège de la ville. Les télés retransmettent dans le monde les images de ce bras de fer disproportionné. Après 71 jours de confrontation, les Indiens déterminés jusqu'au bout obtiennent enfin gain de cause. Fiers de leur victoire, ils se rendent alors aux policiers. Mais le gouvernement américain ne tient pas ses engagements et les Indiens sont tous arrêtés. Le 27 mars, la cérémonie des Oscars consacre Marlon Brando pour son rôle dans Le Parrain. Sur la scène d'Hollywood, devant les caméras et les milliers de flashs qui crépitent, à la place de Marlon Brando, absent, c'est une jeune indienne de la tribu des Sioux qui récupère le trophée. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Les Carpenters, ce duo d'un frère et d'une sœur, obtiennent la notoriété mondiale avec Yesterday Once More. Ils appartiennent à cette variété américaine qui plaît aux Français qui aiment les belles mélodies. La chanteuse pianiste qui plaît à la nouvelle génération, Véronique Sanson, crée la sensation en épousant une star du folk song américain, Stephen Stills, du fameux groupe Crosby, Stills, Nash & Young. En 73, grâce à Guy Lux, Daniel Gilbert, Mariti et Gilbert Carpentier, la variété connaît de nouveau des orgues de gloire. On commence à en prendre l'habitude. Quelques airs entendus dans les émissions de radio, ici et là, et dans les hit-parades d'hiver qui se multiplient et deviennent pour beaucoup de chanteurs la clé de la réussite. Sheila chante « Mélancolie ». Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Comment va sa vie? Il ne pense que toi. Dans ces pays lointains. Il nous parle de toi. Est-il heureux enfin? Il ne pense que toi. paraît qu'il habite sur le port. A-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé. Et il me paraît triste et fatigué. Stone et Chardin, la suite de ma vie. La Dominicaine s'en va les pieds nus, embrasser le beau Jésus. Chacun sa façon. Pour vivre, il y a mille raisons. Tout s'éveille dans la maison. Et c'est toi la suite de Joe Dassin, le moustique. Non, mais moleste mosquito. Non, mais moleste mosquito. Non, mais moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. L'enfant chanteur au visage joufflu, Roméo, ton petit amoureux. Ton petit amoureux fidèle, ton gentil polichinelle, tu le vois bien. Mathieu, la Paloma, adieu. La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'aie pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Restera aussi l'année d'un événement musical planétaire retransmis en direct d'Honolulu via satellite sur toutes les télévisions du monde. Un concert-événement vu par plus d'un milliard de téléspectateurs. Le 14 janvier, Elvis Presley, le King, en ensemble blanc à paillettes, devient Elvis Aloha from Hawaii. Aloha signifiant amour. Le 33 tours du concert est un des premiers albums en quadriphonie à être vendu. Il atteint le premier rang du box-office. Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away. Dixieland. Sing it, fellas. En France, beaucoup de gens ont pu voir Elvis à la télé. Mais n'empêche qu'ici, on aime bien les chanteurs des hit parades. Un style de chanteur pour adolescents, comparable aux yéyés des années 60, a émergé en 1970. Le phénomène s'amplifie en 71, explose en 72 et se confirme cette année. Elle avait dans son cœur une larme d'amour. Espérant le retour de la saison des fleurs, elle avait dans ses yeux la tendresse d'un été qu'elle n'a pu oublier. Dans l'espoir du bonheur, ses yeux. Une larme d'amour, l'ombre des heureux jours. On reste de nous deux. Elle avait dans son cœur encore un peu. D'amour fait partie de cette vague de chanteurs jeunes et séduisants. Les chanteurs playboy, minces et cintrés dans leurs vestes étriquées en velours, portant bien la chemise col pelle à tarte en satin, continuent à affluer, même si certains auront des difficultés à percer. La séduction, ça ne marche pas à tous les coups. Leurs 45 tours envahissent quand même les rayons des disquaires. Les textes sentimentaux, accompagnés d'une musique légère et violonisée, ont de l'avenir, car l'œil de velours et le sourire ravageur du chanteur feront le reste. Les filles se ruent sur les 45 tours. Frédéric François, quand vient le soir, on se retrouve. Quand vient le soir, on se retrouve. Après avoir compté les heures, c'est comme un ciel qui se découvre et je te serre contre mon cœur. Alain Chamfort, L'amour en France. Tes yeux dans mes yeux, ta main dans ma main, c'est l'amour en France. Une bicyclette au bord du chemin, c'est l'amour en France. On ferme les yeux pour être en Italie. Le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, c'est l'amour en France. Et puis toi qui m'aimes autant que moi je t'aime, tu sais que tant qu'il y aura des cœurs qui vivront pour des chansons avec des mots de tous les jour ce sera toujours l'amour en France. Passe le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver. Moi, avec toi, je suis toujours près de la mer. Tu es la plus belle, tu resteras celle avec qui ça ne sera jamais fini. L'avion qui qui berce nos rêveries, c'est l'amour en France. Lorsqu'il nous arrive parfois d'avoir des scènes de jalousie, on sait que de toute façon on se réconcilie. Ringo, une bague, un collier. Donne-moi une bague, un collier. Encore Art Sullivan, adieu, sois heureux. Toi qui n'as pas voulu de moi, toi qui n'avais pas confiance, toi qui ne m'as pas ouvert, toi. promène aujourd'hui. Toi qui n'as pas voulu de moi, toi qui n'avais pas confiance, toi pour qui j'ai tant chanté. Un nouveau venu, Christian Vidal, qui fait un malheur avec Angélique. Les chansons ont une histoire curieuse. Un jour, dans un avion entre Los Angeles et New York, une jeune chanteuse américaine, peu connue, Roberta, lit un article passionnant sur la chanteuse Lori Liberman qui composa un jour une chanson d'amour pour un chanteur dont la prestation sur scène l'avait subjuguée. Roberta, fascinée, s'imagine à la place de cette chanteuse et décide, sans avoir entendu la fameuse chanson, de la trouver et d'en faire sa propre version. Roberta, bien inspirée, va trouver la chanson. Elle va mettre 3 mois pour l'enregistrer. Cela suffira pour obtenir 3 awards, équivalent musical des Oscars au cinéma. Roberta, sous le nom de Roberta Flack, obtient alors un succès mondial avec Killing Me Softly With This Song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my bass. La belle histoire de la chanson continue. En France, le jeune chanteur aveugle Gilbert Montagnier, qui débuta en 1971 avec l'énorme tube The Fool, entend la chanson de Roberta Flack. Le coup de cœur est immédiat. Gilbert en fait alors une adaptation en français. Le résultat est une réussite et le succès est au rendez-vous avec Elle chantait ma vie en musique. On m'avait dit qu'elle chantait dans un quartier perdu. Alors ce soir pour l'écouter, je suis venu. sa chanson semblait écrit pour moi. Elle chantait ma vie en musique, elle disait mes mots en chanson. Je revoyais l'Amérique, elle touchait mon cœur tendrement. Elle me rassurait doucement, elle m'emportait loin du présent. Les notes de mes années défilaient sous ses mains. Sans me connaître, elle semblait me connaître bien. Oh, j'étais seul avec elle. Elle racontait mon passé. Elle chantait ma vie en musique. Elle disait mes mots en chanson. Je revoyais la même. Penser que chaque chanson a une histoire et chacune de nos histoires pourrait être reliée à une chanson qui nous a marqué à un moment de notre histoire. Le premier épisode de 73 touche à sa fin. Encore quelques chansons de l'année qui peut-être entreront dans nos histoires. Joe Dassin chante « Je t'aime, je t'aime ». Je t'aime, je t'aimais bien. Et trop longtemps j'ai cru que je ne t'aimais pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aimais bien. L'amour n'est aujourd'hui qu'un souvenir de toi. Mais c'est triste de savoir qu'il existe quelque part. Je ne t'aimais pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aimais bien. L'amour n'est aujourd'hui qu'un souvenir de toi. L'aventure de sa vie qui ne dure qu'une nuit. Voilà tout ce que j'ai trouvé sur le chemin. Claude François, à part ça, la vie est belle. À part ça, la vie est belle. Je n'y comprends rien. J'ai de mauvaises nouvelles. Et pourtant, je me sens bien. À part ça, la vie est belle. Presque à 100%. Je me sens pousser des ailes. Et je m'envole en chantant. Daniel Gérard, Kilaïlaïli. On m'a dit, ton pays n'est plus un pays, c'est une âme, une histoire, en voyage entre ciel et cœur. Dufresne, pars pas sans me dire bye bye. Si t'en vas un jour, bon, pars pas sans me dire bye bye. Pars pas sans me faire l'amour, non, pars pas sans me dire bye bye. Fais-moi un enfant avant de partir, je le garderai en souvenir. Ça me fera quelque acquis, parler de toi quand je m'ennuierai. Un jour, bon, pars pas sans me dire bye bye. Pars pas sans me faire l'amour, non, pars pas sans me dire bye bye. Achète-moi des fleurs avant de partir, je les ferai sécher dans la cire pour pouvoir respirer. Avec Diane Dufresne, on se quitte sans oublier de se dire bye bye. Le premier épisode de 1973 est terminé. À bientôt pour le deuxième rendez-vous. Bordelbrefm.fr. Une vague d'émotions. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Vieux-Boucau, au cinéma d'Albret, à l'occasion du concert lecture donné par Innovoix sous la direction de Sabine Régnier, le chef de chœur. Mais un concert lecture, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est un concert autrement, nous dit Sabine Régnier, et nous reviendrons plus tard sur ce concept d'autrement que Sabine Régnier décline de maintes et maintes façons. Un concert lecture, c'est un concert où les mots et les voix se mélangent. En l'occurrence, celle de deux collectifs de voix féminines qui ont à cœur de travailler la technique vocale tout au long de l'année et qui la travaillent 1 heure et demie par semaine pour la mettre au service de la polyphonie. Pour ce concert, c'est un programme très éclectique qui est proposé et rien ne les arrête parce qu'elles aiment partager des expériences vocales. L'expérience de ce concert lecture à Vieux-Boucau est une première, sachez-le. Le groupe nous invite à juste nous laisser porter par les mots, par les voix et par l'espace. L'idée, c'est de partager ensemble une émotion et l'instant présent. Je vous invite donc à me suivre à travers voix, entre témoignages de choristes, de la chef de chœur et des moments choisis de ce concert lecture boucalé. Allez, suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. Bordelbrefm.fr. Premier service. Oies en coulis de lentilles, ballotine royale de faisan, bisque de crustacés en infusion de cèpes, velouté de châtaignes truffées de la cour d'Italie. Consommé de bœuf madrilène aux paillettes d'or, bisque de crustacés en infusion de cèpes, une galantine d'oseille, huître de pleine mer, hareng à la moutarde, maquereau à la maître d'hôtel, une omelette en crouton, morue à la crème, hareng frais à la moutarde, petit pâté en croûte à la bourgeoise, astic de homard bleu en chaud et froid. Deuxième service. brochet à la polonaise, hure de saumon au four, une carpe au courbouillon, une truite à la chambord, sole aux fines herbes, truite grillée, sauce hachée, perche à la hollandaise, perche au blanc, lotte à l'allemande, raie au beurre noir, saumon grillé. Troisième service. Coquille Saint-Jacques à la liqueur d'huître, chromeski de col vert à la ville roi, lièvre en charpie, rôti de bœuf aux carottes et anguilles fumées, saumon sauvage en sel. Quatrième service, salade et herbes en feuilles d'or, salade de riz à la royale, chou-fleur au parmesan, pain aux champignons, rôti aux anchois, ragoût de truffes noires, artichauts frits, haricots verts, chou ravés, épinards, buissons d'écrevisse, soufflé aux morilles, fromage glacé, fruits, bougies en chocolat, gâteau à la Bavière, poupelin, brioche, bon appétit. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM. Fabienne, Valérie et Cathy sont choristes dans le chœur Innovois de Sabine Régnier. Ben, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous chantez les unes les autres dans ce chœur-là? Alors moi, ça fait deux années. Moi, je crois que ça fait 7 ans. Alors moi, ça doit faire 9 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir venir chanter dans ce chœur-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chœur-là? Sabine nous apprend à chanter autrement. Et donc, c'est la technique au service du chant. C'est toujours ce qu'elle nous répète très souvent lors des répétitions, des cours. Donc, apprendre à chanter autrement. Apprendre à placer sa voix, par exemple. Je dirais qu'on vient déjà un peu par curiosité et puis on reste parce qu'on a une chef de chœur qui est assez exceptionnelle, qui nous fait découvrir nos capacités, tout ça dans la bienveillance. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on vient, on reste. Et puis, le répertoire est très éclectique aussi. Et donc, ça, c'est à chaque fois des nouvelles surprises. Et on est surpris d'arriver sur ce chemin-là et sur le chemin, j'espère, d'à peu près la réussite. Mais moi, je suis venue au chant parce que j'aimais chanter, évidemment. Et je suis restée parce que j'ai découvert une façon de travailler que je ne connaissais pas. J'ai découvert qu'on n'était pas obligé de chanter toujours avec des paroles dans les mains et puis toujours au même endroit. Et elle nous fait apprendre, quand on chante en polyphonie, on apprend toutes les voix. Et je trouve que ça, c'est très intéressant de travailler aussi bien les voix très aiguës que les voix graves. Du coup, après, vous choisissez celle qui vous convient le mieux? Exactement, on choisit celle qui nous convient le mieux. Et puis après, si on doit changer parce qu'il y en a trop qui font telle ou telle voix, on change de voix parce qu'on les connaît toutes. Alors, autrement avec Sabine, il y en a plein. Il y en a d'autres autrement? Chanter autrement? Oui. Oui, les langues aussi. On chante dans plein de langues différentes. On chante en finnois, on chante en anglais, en breton. Autrement, comment encore? Avec le corps aussi, parfois, parce que il y a une association de voix et de corporythmie. Et ça aussi, c'est assez innovant. C'est innovant dans le sens où ça s'intègre parfaitement dans les concerts. Et que je pense que pour le public, c'est quelque chose d'assez appréciable et d'assez intéressant et d'assez, atypique. Autrement? Eh ben, en se déplaçant d'une voix à l'autre, en se déplaçant autour du public, dans le public, en faisant un petit peu de mise en scène, des petits bouts de chansons, de chanteurs qui ont marqué l'histoire de la chanson. Enfin, voilà. Et ça, c'est autrement. On parle un petit peu de Sabine. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Sabine ? Beaucoup de charisme. Quelle personne originale. C'est quelqu'un qui est exigeant, mais avec le sourire. Et ça, je crois que ça fait avancer le groupe de toute façon. Et ça fait aussi avancer les individualités. Bienveillante, énergique, étonnante, surprenante. Enfin, géniale, quoi. Vous chantez dans d'autres chœurs ou uniquement dans celui-ci ? Alors, moi, je chante dans un autre chœur avec Sabine, dans un chœur lyrique. Et puis, je chante comme ça avec des copains sur la plage, dans l'apéro, mais c'est tout. C'est déjà pas mal, l'apéro en chantant, c'est bien aussi. Alors, moi, je chante dans le groupe vocal de Vubuco et je chante aussi avec Cathy dans le groupe lyrique aussi. Non, moi, je m'arrête juste à une voix. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Concernant le concert lecture, ça vous a surpris un peu cette proposition ? On est d'autant plus surpris qu'on n'en sait pas plus que vous, donc on sera surpris comme tout le monde. On va découvrir avec beaucoup de joie. Ça, c'est une particularité de Sabine, le chant autrement, c'est l'adaptabilité aussi, on n'en a pas parlé. Donc elle nous propose un concert lecture, et ben on y va, mais on ne sait pas ce que c'est. En toute confiance, on suit le chef. Ah, les yeux fermés. toujours derrière le chef. Toujours derrière le chef. Jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit, sans ça on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh ben, il était sourd. Beethoven, sourd. Sourd et des deux oreilles. Ouais, mais enfin, quand même, hein, c'est pas avec les oreilles qu'il écrivait, hein, Beethoven. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Moi qui vous parle. Quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Je me bouche les oreilles. Je me bouche les oreilles pour pas entendre les autos, le raffut qui font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles. Ah mais je vous ai jamais dit que j'étais Beethoven, hein? Ah non. Non. Seulement, je fais comme lui. Pour écrire, je l'imite. je me bouche les oreilles. Alors de là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites, il n'y a qu'un pas. Bon, alors oui, un pas de géant, hein, parce que j'ai beau me boucher les oreilles pour écrire, et ben ce que j'écris, hein, c'est pas de la musique. Non, pas de la musique. Non, c'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM. Sabine Régnier, bonjour. Vous êtes chef de chœur et professeur de chant. La voix, c'est votre métier, votre ADN, votre passion. Parlez-moi un petit peu de ce parcours autour de la voix. Eh ben, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé chanter. Alors très tôt, j'ai été élève au Conservatoire des Landes, en piano, guitare. Et puis j'ai chanté, oui, toujours, dans des groupes, etc. Et puis vers l'âge de 20 ans, j'ai rencontré la sœur d'une copine qui est élève au Conservatoire et qui m'a dit « Mais t'as une voix quand même qui mériterait d'aller un petit peu plus loin. » Alors je n'y connaissais pas grand-chose à l'art lyrique, mais j'ai rencontré un professeur, un ancien de la Scala de Milan, qui était vraiment extraordinaire. Et c'est lui qui m'a donné les premiers cours. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé avec lui et je dois bien avouer que c'est lui qui m'a quasiment tout appris. Vous proposez un concert lecture. Qu'est-ce que c'est que ce concept-là ? Est-ce que vous pouvez le développer ? Absolument. Alors un concert lecture, c'est un concert fleuve un petit peu, c'est-à-dire c'est pas un concert où il y a des présentations de quoi que ce soit, surtout pas d'explications car il ne faut jamais prendre le public pour un imbécile et les gens pour des imbéciles. Donc il y a des lectures, des textes choisis, des textes d'auteurs morts, des textes d'auteurs bien vivants, d'auteurs d'aujourd'hui, des lectures, des poèmes, enfin un petit peu de tout qui vient se mêler aux voix des chanteuses des deux chœurs réunies pour cette soirée concert lecture d'exception. Comment vous est venue cette idée de mêler voix chantée, voix parlée, texte chanté et texte lu ? Ah, c'est-à-dire que moi j'adore l'opéra et en fait l'opéra c'est l'art ultime, c'est l'art complet, c'est-à-dire c'est la voix, le théâtre, la danse, c'est le jeu. Et donc j'ai toujours à cœur dans les spectacles de donner par petits points toute l'ampleur de ces arts réunis. Donc là, demain, il y aura une mise en scène, oui, qui va avec les textes et avec les chants, qui sont des chants pareils comme les textes d'hier, d'aujourd'hui, des chants métissés. Autre particularité chez vous, vous privilégiez les chœurs de femmes. Pourquoi ce choix ? Chantal, on est dans les Landes, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a moult chœurs d'hommes, évidemment, qui imitent à la perfection les chœurs basques. Mais dès qu'on veut monter un chœur mixte, c'est toujours compliqué. On a à peu près 10% d'hommes et 90% de femmes. Donc j'en ai eu un petit peu assez. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de ne faire travailler que les femmes, puisque mon dada, c'est la technique vocale. Et puis que voilà, quand il y a une seule voix, eh ben, on est plus à même de travailler vraiment cette voix-là. Alors je n'ai rien contre les chœurs d'hommes. Ça fait quelques années que j'ai essayé de recruter. Quelques hommes ont très envie de travailler avec moi. Malheureusement, pas encore assez pour que ça fasse un cœur conséquent. Donc si certains messieurs ont envie de travailler, de se jeter à corps perdu dans le magnifique travail de découverte de la voix, ils sont les bienvenus. Vous travaillez donc en polyphonie, combien de voix ? Oh, ben on peut chanter à 2, 3, 4, 5 voix, on peut multiplier les voix, on peut aussi chanter à l'unisson, car rien de plus beau qu'un cœur chantant à l'unisson. Le défi de nos voix, et ce qui est un petit peu différent des autres chœurs, c'est que toutes les femmes n'ont pas de voix prédéfinie, on n'est pas soprane, alto, etc. On travaille tout le temps toutes les voix et quand on travaille la technique, on aime travailler sa voix. C'est pas parce qu'on a une voix aiguë à la base qu'il ne faut pas travailler ses graves et inversement. Donc on travaille tout le temps sa voix, on ne s'ennuie jamais. Puis au bout d'un moment, on choisit, on tranche. Et ce qui permet aussi, d'un point de vue pratique, de pouvoir très vite aller remplacer une absente sur telle ou telle voix, dans tel ou tel pupitre. Vous venez de parler d'Innovoix. Eh bien, qu'est-ce que c'est Innovoix et quelles sont les différentes propositions que vous y faites ? Alors, Innovoix, le chant autrement, Innovoix comme nouveau, neuf, innovation. Et ben, l'idée, c'est de faire des propositions différentes autour de la voix. Alors, mon dada, c'est la base, évidemment, de la voix chantée qui est considérée comme un instrument. C'est la technique vocale. Donc, quand on s'inscrit à Innovoix dans un chœur, par exemple, on sait qu'on vient et qu'on va travailler la technique, on va découvrir sa voix comme si on découvrait un instrument. On ne vient pas simplement pour chanter et mélanger les voix. Non, c'est la technique. Donc, sur 1h30 de travail hebdomadaire, on a 30 minutes de technique pure, mise au service, évidemment, d'un travail en polyphonie. Qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Ah, plein de choses. Alors, je suis toujours curieuse et j'ai toujours pas mal d'idées. Donc là, ce qui fonctionne pas mal depuis quelques années, ce sont les stages de découverte vocale, parce que les gens qui aiment chanter ont envie d'en savoir plus. Alors, ceux qui aiment chanter dans leur salle de bain, mais aussi ceux qui aiment chanter dans des chœurs et qui souvent regrettent de ne pas aller plus loin, de ne pas découvrir vraiment leur instrument. Donc, des stages une fois par mois, les dates sont connues à l'année. Rien n'est obligatoire, on s'inscrit à l'envie, il n'y a pas d'engagement à l'année. Et c'est 2 heures le samedi matin, une fois par mois. On vient, il y a un groupe qui est régulier, et puis gravite autour des gens qui viennent essayer, qu'on ne revoit plus, d'autres qui viennent, et puis qui restent, et qui se piquent au jeu. Il y a également des stages de voix lyrique. Le collectif lyrique, qui travaille aussi 2 heures, une fois par mois. Donc là, c'est évidemment la technique poussée, et surtout dans un répertoire approprié de chœur lyrique. Également des stages d'improvisation que j'ai lancés cette année. Donc là, c'est voilà, se lancer, et puis essayer de créer quelque chose à la mode un peu des circle songs que Bobby McFerrin avait développé dans les années 70. Et puis voilà, plein d'autres propositions encore. Des cours de chant, bien évidemment. Pas que pour les professionnels, les cours de chant pour les amateurs, les cours de chant pour les jeunes. Toujours pareil, j'adapte mon travail en fonction des objectifs et du répertoire des chanteurs, sans évidemment toucher leur identité vocale qui leur est propre. Moi, je me contente de leur faire découvrir la technique qu'ils puissent mettre au service de leur art. Je vois aussi dans vos propositions du coaching pour la voix parlée. Ça concerne qui ? Alors là, ça concerne tous les orateurs, alors les enseignants par exemple, mais aussi les avocats, ça peut être des gens qui utilisent le téléphone régulièrement dans leur activité, ou simplement des gens que leur petite voix, leur voix étroite, leur voix mal placée, le mauvais ressenti de leur voix peut pénaliser depuis des années. Donc ce travail sur la voix parlée s'adresse à eux également. Votre discours, c'est le chant autrement, c'est quoi autrement pour vous ? Ah, autrement, ben c'est justement. Autrement, c'est partir du corps. C'est se dire que ben, la voix, c'est pas simplement 2 cordes vocales sur 2 pieds. Donc la voix, c'est une posture, la voix, c'est un placement, la voix, c'est chercher des résonateurs, la voix, c'est un corps, évidemment, une respiration. Donc c'est mettre son corps au service de sa voix et chanter, rassembler. C'est évidemment la magnifique découverte quand on arrive à ressentir tout ça, la magnifique découverte du travail vocal. Et le chant autrement, parce que c'est le chant qui rassemble, et dans mes propositions, j'essaie d'avoir des propositions qui soient à même de satisfaire un plus large public, puisqu'il y a également une proposition qui s'adresse aux gens qui chantent faux. Pourquoi pas ? Délier le corps pour délier la voix, mais aussi rassembler. Et vous avez 2 rassemblements. L'un s'appelle la grosse voix, l'autre la petite voix. On peut en parler ? Oui, c'est ce que je voulais dire. Rassembler les gens qui, peut-être, même pourquoi pas, chantent faux. C'est possible justement sur ce rassemblement de la grosse voix, qui a lieu toujours dans un endroit atypique, sympathique. La première édition avait eu lieu avant le Covid à la Surf Church à Hossegor. On a été plusieurs fois là-bas. Et puis plus récemment, on a été très bien reçus dans l'espace bar du Baïa. L'idée, c'est de rassembler des gens, tout public, vraiment, tous âges confondus, autour d'un répertoire pop-rock, variété française principalement, internationale un petit peu. J'ai mon clavier, ma guitare, paroles en main, on chante. Donc c'est pas un karaoké, parce qu'on chante tous ensemble, et puis peu importe, on a le droit de chanter mal, mais l'idée, quand on est nombreux, vous le savez comme moi, Chantal, c'est que les voix se mélangent, et s'il y a 90% de voix qui sont plutôt pas mal, avec 10% de voix même qui chantent très faux, le résultat est quand même super. Et ça, c'est hyper satisfaisant pour tout le monde. On peut se rassembler pour le plaisir de chanter, tout simplement. C'est une façon un petit peu de décomplexer les gens. Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de complexes. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui viennent prendre des cours de chant et qui arrivent en me disant « je chante faux ». Et franchement, très franchement, 9 fois sur 10, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'ils ont une méconnaissance de leur voix, ils ne savent pas utiliser leur voix. Donc une fois qu'on commence à découvrir comment on se sert de sa voix, alors là, c'est une véritable libération, une véritable révélation. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix d'ailleurs. Oh, ça c'est vrai, on a tous fait l'expérience. En général, on n'aime pas trop sa voix. Dès qu'on s'enregistre et qu'on s'entend, tenez, moi-même, dès que je vais m'entendre sur votre antenne, je vais me dire « oh là là là là là là ». Non seulement les bêtises que j'ai racontées, bien évidemment, pas trop, j'essaie quand même. Mais surtout, voilà, on n'aime pas son timbre, évidemment, puisqu'on ne s'entend pas comme les autres nous entendent. C'est le mystère de la voix. Vous avez parlé du circle song, donc des chansons en cercle. Quel est l'intérêt de pouvoir chanter en cercle ? Depuis la nuit des temps, l'homme a chanté en cercle. Dans la musique traditionnelle, c'est évidemment encore très présent. Et ça fait du bien parce qu'on se rassemble, parce qu'on se voit, parce qu'on s'écoute, parce qu'on cherche à être avec. Et c'est ça qui est formidable dans les circle songs. Le simple fait de chanter en cercle rassemble. Les qualités d'un chef de chœur sont lesquelles, selon vous ? pédagogie, pédagogie, pédagogie et amour et curiosité et entrain et bienveillance et voilà tout ça. Donc les qualités d'un chef de chœur, c'est-à-dire que ce qu'on va donner un chœur, ce qui va faire qu'un chœur va sonner, c'est pas tellement ce que l'on va apporter. Bon, bien sûr, il y a le travail, mais c'est surtout qui on est. Donc en fait, c'est vraiment très lié à son fonctionnement, à voilà, la façon dont on est, mais dont on est au monde, tout simplement. Hein. Donc c'est ça qui fait un bon chef de chœur. Vous me confirmez que être chef de chœur, c'est donner beaucoup, c'est partager beaucoup, c'est dépenser beaucoup d'énergie et qu'on est bien fatigué lorsqu'on dirige un chœur. Oui, bien sûr, mais c'est aussi une énergie communicative. Donc c'est une énergie qui on en donne beaucoup, mais on en reçoit beaucoup, évidemment, de la part du chœur. Donc tout ça fait que c'est vraiment un vrai travail d'équipe que de diriger un chœur. Moi toute seule, voilà, je ne serai qu'une chanteuse. Et moi, ce que j'aime être, c'est chef de chœur. C'est un vrai métier. C'est un vrai art que d'être chef de chœur et c'est un partage avec les chanteuses qui me font confiance. Alors, si on veut rejoindre Innovoi ou une de vos propositions, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, c'est très simple. On peut aller voir toutes ces propositions qui sont déclinées sur mon site www.innovoi.fr. Le site est mis à jour, donc vous aurez les dates des stages, toutes les infos. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur les réseaux Facebook, LinkedIn, Instagram ou m'appeler tout simplement à l'ancienne ou me croiser dans la rue. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Pour terminer,